Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mai 2023. Alors, quel va être le conseil, le message du Béline pour vous? Amour, mai 2023. Bon, bien, oh, pardon. Apparemment, il y a... vous avez une carte de séduction. Donc, vous séduisez, vous charmez en mai. Et il y a du changement qui se profile à l'horizon. Alors, on va voir plus précisément quel est le conseil de l'oracle, le message tout simplement pour les amours du Sagittaire 2023. Attention, je mets de côté. Donc, on a dit que vous séduisiez. Écoutez, c'est un mois vraiment agréable, c'est un mois, je dirais, où vous êtes bien dans vos amours, mais vous êtes, pourquoi? Parce que vous êtes aussi bien avec vous-même. On avait la carte de la séduction, mais qui est aussi la carte du bien-être dans la coupe et du changement, et j'ai l'impression que le mois de mai vous fait beaucoup de bien intérieurement. Et quand on est bien avec soi-même, eh bien forcément, on est mieux avec les autres aussi. Et donc, vous vivez cette espèce de paix intérieure retrouvée qui vous permet de vous envoler vers, si vous êtes célibataire, d'aller vers la possibilité d'une nouvelle union et d'envisager à nouveau de vous lier, parce que sinon peut-être que certains Sagittaires n'avaient même plus envie de se lier à quelqu'un. Ici, on retrouve l'envie de former un couple ou de se lier à une personne, on retrouve confiance. Et puis pour les couples, eh bien vous repartez vers des projets communs, vers, j'en retire une de nouveau, vers un lien très profond, très sincère, un lien qui, ces derniers temps, s'était peut-être un peu altéré, et là, on repart de plus belle, dans une affection profonde. Donc, profitez-en, beau mois de mai.